aviez visité le musée ? Oui. Oui ? D'accord. Et voilà, tenez. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Tu es espagnol, frère.